Vous écoutez Futur Simple sur CKRL et nous ouvrons donc l'émission avec notre chroniqueur Pierre-Olivier Desmarchais. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Donc je rappelle, tu es étudiant en droit à l'environnement, donc une zone frontalière un peu entre la science et le droit. Oui. Et en vertu de ce droit, eh bien les compagnies n'ont pas tout à fait le droit de faire ce qu'elles veulent. Elles aimeraient bien avoir plein de droits, mais on essaie quand même de leur mettre quelques petits bâtons dans les roues. Et pour preuve d'ailleurs, cette condamnation de Chevron par un tribunal équatorien. Alors, tout le monde n'a pas suivi l'affaire, tout le monde n'est pas au fait des faits et gestes comme tu peux l'être dans ce domaine-là. Donc, il va falloir que tu nous expliques ce qui s'est passé. Comment le tribunal d'un petit pays, quand même plutôt pauvre, a tenu tête à une multinationale? Ben, en fait, Valérie, c'est que lundi dernier, donc pour la Saint-Valentin, on apprenait que la multinationale Chevron, donc quatrième producteur mondial de pétrole derrière ExxonMobil, BP et Shell, avait été condamné par un tribunal équatorien à verser plus de 9 milliards de dollars US à tout près de 30 000 citoyens pour les dommages causés par le forage pétrolier et pour défrayer les coûts de nettoyage. Donc, il y a deux éléments de cette nouvelle qui ont attiré mon attention. Premièrement, le montant de 9 milliards de dollars alloués aux victimes. Quand on pense à la tragédie, par exemple, de Lexon Valdez au cours des années 80, la Cour suprême des États-Unis a fixé en 2008 le montant des dommages à environ 500 millions de dollars. Ouais. Dans le cas de l'Erica, la pétrolière française Total a été condamnée à verser 200 millions d'euros aux victimes pour les côtes souillées par le déversement de pétrole. Et et pour le Golfe du Mexique, l'année dernière, là, BP, eh bien, l'entreprise a prévu à peu près, ses prédictions, c'est une somme de 20 milliards de dollars pour faire face aux poursuites éventuelles. Donc, pour le moment, la condamnation de Chevron reste quand même une première mondiale. Mm-hmm. 9 milliards, ça t'apparaît une somme quand même très, très significative. Oui, c'est extrêmement colossal, c'est énorme. Donc, l'autre élément également qui m'a surpris, c'est que pour la première fois, un tribunal d'un pays en développement condamne une pétrolière à des dommages pour les préjudices causés à l'environnement et à la santé de ses citoyens. Donc, ce soir, ce que je te propose de faire, c'est un résumé de cette histoire-là. Et pour simplifier les choses au maximum, parce que je me suis rendu compte qu'en analysant le sujet un peu plus en profondeur, qu'il y avait plusieurs dates importantes. Et je vais commencer par le début, en vous présentant brièvement le contexte dans lequel cette histoire s'est développée. Ensuite, je vous expliquerai plus en détail l'ensemble des procédures judiciaires qui ont suivi. Donc, tout a commencé. Donc, oui, c'est ça. Tout a commencé dans le milieu des années 60, puis précisément en 1964, lorsque le gouvernement équatorien, qui de l'époque était une dictature militaire supportée par Washington, invite la compagnie américaine Texaco à venir explorer la région orientale du pays pour l'exploitation future pétrolière. Donc, juste ici, je veux mettre quelque chose au clair. Le Texaco, là, c'est Chevron qui a été reconnu coupable. C'est juste que les deux entreprises ont fusionné en 2001 et le nom Texaco a été éliminé. En fait, c'est devenu Chevron. Donc, c'est la région de Lago Agrio qui est située près de la frontière colombienne, donc dans le nord-est de l'Équateur. Alors, juste pour bien situer les auditeurs, l'Équateur, c'est un pays qui est situé entre le Pérou et la Colombie, donc dans la partie nord-ouest de l'Amérique du Sud. Donc, à l'époque, Texaco signe une entente de 28 ans avec le gouvernement pour l'exploitation des ressources pétrolières et débute la construction d'un pipeline qui traverse le pays. Et là, en 72, les travaux sont terminés et enfin, l'entreprise peut commencer. Le pétrole. Exactement, oui. Donc, deux ans plus tard, le gouvernement équatorien crée la société publique Petro-Équador qui va acquérir au même moment 25% des parts, si on veut, du projet pétrolier qui a cours dans le pays. Et là, dans les années 70, la dictature militaire s'aperçoit que l'exploitation du pétrole, c'est payant. Puis, il y a une certaine prospérité qui s'installe dans le pays. En 1976, un partenaire de Texaco dans le projet décide de se retirer et toutes ses parts sont rachetées par Petro-Équador, donc la compagnie nationale, qui détient à partir de ce moment-là 62,5% des parts dans le projet. Ils deviennent majoritaires. Oui, exactement, c'est ça. Donc, tranquillement, pas vite, le pétrole devient une source de revenus très importante pour l'État et tout le développement économique de ce pays se concentre autour de cette activité. Donc, à un point tel qu'en 87, par exemple, Le pétrole compte pour les deux tiers des exportations du pays, représente 60 % des revenus de l'État. Alors, je trouve que ce cas-là donne une belle image du développement entourant la découverte de pétrole dans les pays en développement. Tranquillement, pas vite, on a vu qu'il y a une forme de nationalisation qui s'est installée. Les dirigeants veulent bénéficier au maximum des revenus de l'exploitation pétrolière. Puis l'autre élément, c'est qu'il n'y a aucun cadre juridique à cette époque-là qui est mis en place par les autorités pour contrôler cette exploitation-là et surtout pour protéger l'environnement et la santé des habitants. Donc, il n'y a rien qui contrôle un petit peu comment Texaco va procéder sur place? Non, exactement. C'est comme la carte blanche. Ouais. Allez-y, sortez le pétrole le plus possible. S'il y a des trucs qui débordent ou qui se renversent, c'est pas grave. Non, c'est ça. On se fie à la multinationale. Donc, les années avancent, puis on s'aperçoit que le pétrole est une ressource épuisable et qu'il faut il faut poursuivre l'exploration si on veut garder le même train de vie. Donc, entre-temps, en 87, il y a un tremblement de terre de magnitude 6.8 sur l'échelle de Richter qui arrive en Équateur, puis une partie importante du pipeline qui traversait le pays est détruite. Donc, à partir de ce moment-là, je dirais qu'on commence à prendre conscience des impacts de l'exploitation du pétrole. Ainsi, on estime que le projet pétrolier dans son ensemble a causé à la fin des années 80, donc le déversement d'environ 16 millions de gallons de pétrole brut dans la région amazonienne. Puis, on mentionne également qu'il y a eu environ 30 milliards de gallons, donc c'est assez considérable, de produits toxiques dérivés de cette exploitation-là. Qui ont également été déversés un peu partout dans l'environnement. Donc, en 1992, telle que l'entente du début le prévoyait, Petroéquador, donc l'entreprise nationale équatorienne, prend le contrôle de l'ensemble des opérations d'exploitation et là, à partir de ce moment-là, Texaco quitte le pays. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence sérieusement à se poser des questions. Une étude réalisée en 1994 par le Center for Economic and Social Rights, un organisme international pour la protection des droits de l'homme, souligne que les habitants de la région amazonienne sont exposés à des substances toxiques qui dépassent largement les standards internationaux. Le rapport, il mentionne également que la population souffre de nombreuses maladies de peau, des maladies neurologiques et qu'il y a un haut taux de cancer. Donc, on prouvera par la suite que le niveau là, de cancer dans la région est beaucoup plus élevé que la moyenne d'un pays. Donc, c'est là que les procédures judiciaires, si on veut, contre Texaco, donc Chevron, commencent. Mais par qui? Oui, c'est ça. Donc, si je peux résumer, en fin de compte, il y a eu deux phases. Il y a eu la phase américaine, donc dans les années 90, et ensuite dans les années 2000. On retournera en Équateur pour continuer le litige. Donc, au même moment, c'est un groupe de citoyens équatoriens qui dépose une poursuite contre Texaco devant la Cour fédérale américaine à New York. Et là, je me suis posé la question, mais pourquoi et surtout en vertu de quoi on peut déposer une poursuite devant une cour de justice américaine alors que les faits se sont passés beaucoup plus loin que ça à l'étranger, donc en Équateur? Ouais. Eh bien, les victimes ont invoqué le Alien Tort Claims Act. Alors, c'est qui est? Oui, c'est quoi cette loi-là? Vous connaissez bien leur sujet, en tout cas. Oui, je ne sais pas où ils l'ont trouvé, mais bon. En fouillant un peu dans les articles de périodiques en droit américain, je me suis rendu compte que cette loi permettait à des étrangers de déposer une poursuite devant la Cour fédérale américaine fondée sur la responsabilité civile. Sauf que pour être entendu, le plaignant doit prouver qu'il y a eu soit violation du droit international ou d'un traité signé par les États-Unis. Donc, c'est un peu comme si la Cour fédérale américaine jouait au tribunal international parce que le défendeur peut également être un étranger. Donc, deux étrangers peuvent se faire justice aux États-Unis. Et pour des torts causés ailleurs qu'aux États-Unis, exactement. En plus. Ouais. Donc, dans le cas qui nous intéresse, la Cour devait vérifier en premier lieu s'il y avait violation d'une norme issue du droit international et si la poursuite visait la bonne personne. La Cour n'a pas hésité d'entrée de jeu à souligner que les dommages causés à l'environnement par l'exploitation de pétrole avaient affecté les droits de l'homme, qui font partie intégrante, si on veut, du droit international. Donc, c'est des règles impératives, comme le droit à la vie, droit à la liberté. Donc, on voit ici que le juge a évité d'invoquer, par exemple, les principes internationaux du droit de l'environnement que l'on retrouve, par exemple, dans les déclarations de Stockholm et de Rio. Mais il n'en avait peut-être pas besoin, d'après ce que tu disais tout à l'heure. Là, il n'en avait pas forcément besoin pour invoquer la loi. Il a passé par les droits de l'homme pour y aller pour l'environnement, au lieu d'aller direct avec des principes issus du droit international de l'environnement. Donc, ensuite, le juge a dû répondre à la deuxième question. Est-ce justifié de poursuivre Texaco au lieu du gouvernement équatorien? Parce que Texaco, ça a été un peu sa défense en disant, mais c'est le gouvernement qui n'a pas agi, qui n'a pas adopté des règlements. Nous, on a fait juste ce que le gouvernement nous a autorisé à faire. Exactement. Et c'est là que c'est intéressant. Le juge américain souligne que même si le gouvernement équatorien a délibérément laissé Texaco faire ce qu'il voulait sur son territoire et n'est pas intervenu en réglementant les activités, bien, ça ne garantit pas une forme d'immunité à Texaco d'éventuelles poursuites en dommages et intérêts en vertu de la responsabilité civile. Donc, pour se défendre par la suite, Texaco a invoqué la maxime forum non convenience qui vise à remettre en question, en fait, la juridiction du tribunal américain par rapport à celui du pays où s'est passé les événements. Et là, les plaignants ont soulevé que, pour se défendre, que durant les années où Texaco a exploité le pétrole en Équateur, bref, les décisions étaient prises au siège social à New York. Mm-hmm. Mais malheureusement, en 2002, la Cour fédérale, dans son jugement, a donné raison à Texaco et souligne que la cause peut être entendue en Équateur, puis qu'il y a pas de raison de croire que la corruption ou bref va intervenir puis va faire en sorte que le jugement les plaignants je veux dire que ça sera pas jugé correctement si on veut. Donc en 2003 les parties retournent en Équateur et là elles déposent un recours collectif contre Chevron qui regroupe en fait environ 30 000 personnes devant le tribunal équatorien. Puis, on allègue que, bon, durant les 25 ans où Texaco était au pays, il y a eu le déversement d'une quantité importante de produits pétroliers et de résidus dans la forêt amazonienne, que cela a eu pour effet non seulement de contaminer les eaux, les sols, mais également d'augmenter le taux de maladie chez la population. Donc, en 2008, il y a eu un expert indépendant qui est venu témoigner devant le tribunal équatorien, puis qui soutient que, en fait, selon lui, Texaco devrait payer environ 27 milliards de dollars en dommages. Mm-hmm. Alors, je dirais qu'à partir de ce moment-là, là, il y a vraiment une guerre de tranchées qui a commencé entre les parties. Texaco a réussi à mettre la main, par exemple, sur une vidéo montrant le juge équatorien saisi de l'affaire, affirmé que s'il condamne la pétrolière, il pourrait recevoir une somme d'argent. Mm-hmm. Donc, les parties, ensuite, ont réussi à filmer la personne qui avait filmé cette vidéo-là, qui disait que si Texaco est mieux de me payer s'ils veulent avoir la vidéo. Bon, fait que là, ça commence à sortir, si on veut, du droit, et ça devient très personnel, et bon, tous les moyens sont bons pour faire en sorte, parce que Texaco a vraiment avantage à ce que tout le processus soit vicié, si on veut. Et finalement, lundi dernier, le tribunal équatorien rend son jugement et condamne Chevron à verser 9 milliards de dollars aux victimes pour la décontamination du territoire et les préjudices que la population a pu souffrir. Et est-ce que Chevron va en rester là? Non, mais tout de suite après l'annonce, en fait, Chevron a indiqué qu'elle allait porter la cause en appel. Et là, je me suis posé la question, mais pourquoi Chevron voudrait poser pourquoi elle porte attention à cette cause-là? Parce qu'en réalité, Texaco est parti en 92, il n'y a plus aucun actif dans le pays, donc même s'il y a un jugement, comment ils vont faire pour aller chercher? Eh bien, c'est là que, depuis tout le début des procédures judiciaires, donc depuis 94, la cause a été portée à bout de bras par des avocats américains. C'est là qu'on aperçoit qu'il y a des Américains en arrière du dossier pour les plaignants. Parce que, en fait, même si les Équatoriens ont perdu aux États-Unis en 2002, les Américains n'avaient pas intérêt à lâcher parce qu'avec avec la décision équatorienne, ensuite, ils peuvent revenir aux États-Unis et l'affaire la rendre exécutoire sur le territoire. Donc là, on sait que Chevron a des biens aux États-Unis. On sait que là, 9 milliards de dollars, ça serait possible d'aller les chercher. Donc là, tu dis, ce serait intéressant pour le groupe d'avocats qui a soutenu, qui a aidé les plaignants équatoriens, ben, c'est ça? En fait, c'est, je me suis posé, mais pourquoi il y a des avocats américains qui sont dans le dossier? Ouais. C'est qu'eux, ils veulent prendre la décision équatorienne et la ramener à New York, par exemple, et la rendre exécutoire. Donc, aller devant le tribunal, dire, bon, ben, j'ai un jugement ici d'un tribunal équatorien. Et je veux que vous le reconnaissiez. Mm-hmm. Donc, au Québec aussi, c'est possible. Le droit le permet souvent, c'est dans la plupart des pays, d'ailleurs. Donc, il revient, il rend le jugement exécutoire sur le territoire. Et là, en faisant ça, mais ils sont assurés de se faire payer, si on mm-hmm. veut. Et sur 9 milliards de dollars, je sais pas c'est quoi la cote, si on veut, pour les avocats américains, mais je suis pratiquement certain qu'elle doit être très élevée. Sauf que ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que la semaine dernière, le 8 février dernier, il y a un juge américain qui a mis une ordonnance visant à empêcher les avocats des plaignants de demander à un tribunal américain de rendre le jugement équatorien exécutoire. Donc, c'est comme, avocat, si, ouais, non, c'est comme si on avait prévu le coup, en réalité, puis c'est Chevron qui a déposé les ouais. procédures. Alors, pourquoi le juge a rendu une telle décision? Mais au début du mois de février, Chevron a déposé des procédures contre les avocats américains pour corruption, extorsion et racket. En fait, Chevron soutient que les avocats ont fait pression sur la justice équatorienne pour condamner Chevron. Donc, c'est comme si les avocats américains avaient fait une entente avec le tribunal en disant « condamnez Chevron, puis bon, vous allez peut-être tirer des bénéfices de ce mot. » Bref, c'est ce que ça laisse croire comme histoire. Puis, on a également j'ai également trouvé que la Cour permanente d'arbitrage, qui est une institution internationale, qui a normalement juridiction dans l'ensemble des pays qui l'ont ratifié, là, je pense qu'il y en a 107, puis les États-Unis, puis l'Équateur fait partie, là. Elle également, elle a émis une décision au début du mois visant à interdire à toutes les juridictions qui sont sur sa compétence, là, si on veut, donc tous les pays qui ont ratifié, toutes les juridictions nationales de ne pas faire exécuter le jugement équatorien. Mm-hmm. Donc là, j'essaie de trouver la raison, mais pourquoi, puis il paraîtrait que, puis c'est ce que Chevron a invoqué devant les tribunaux américains, c'est qu'il y aurait une vidéo montrant les avocats des plaignants, donc les avocats américains, en train de discuter d'une stratégie visant à faire pression sur la justice équatorienne. D'ailleurs, sur l'extrait vidéo, les avocats reconnaissent que la justice équatorienne est corrompue. Donc, si on reconnaît ça, on peut pas ensuite revenir aux États-Unis et dire « rendez le jugement exécutoire ». Il n'y a aucun juge qui va dire « OK ouais. ». Parce que si c'est pas jugé selon normalement selon les droits fondamentaux qu'on a dans nos sociétés. Les tribunaux sont beaucoup plus récents à reconnaître, voire à pas en tenir compte. Là. Mm-hmm. Donc, on devra en savoir beaucoup plus au cours des mm-hmm. prochains jours parce que l'ordonnance de ne pas rendre le jugement exécutoire, je crois qu'elle prend fin, si ma mémoire est bonne, demain, donc le 18 février. Mm-hmm. Alors ensuite, le juge devra dire qu'est-ce qu'il en fait. En tout cas, c'est assez impressionnant de voir toutes les ficelles qui sont tirées partout, finalement. Ouais. C'est pas terminé, je pense. C'est ça, de ce que tu dis, là, c'est pas tout à fait prêt d'être terminé. Puis, au fond, c'est quand même un petit peu dommage pour toute la population à Lago Agrio qui subit les impacts environnementaux de plein fouet, finalement. Non. Je sais pas s'il y a encore une exploitation là-bas ici. Je pense qu'il y en a encore un peu. Puis, ils ont même trouvé d'autres gisements là, que je lisais, sauf que le président, en ce moment, c'est Coréa, a dit qu'il n'allait pas y toucher si les pays, en fin de compte, payaient sa valeur. Mm-hmm. Donc, une forme de projet contre les gaz à effet de serre. Ouais. Je ne vais pas aller chercher, mais payez-moi qu'est-ce que ça vaut. Oui, je me souviens de cette affaire-là, effectivement. Donc, reste à suivre, étant donné que ça va en appel avant le tribunal équatorien. Là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Eh bien, je te remercie beaucoup, Pierre-Olivier, de nous avoir raconté un petit peu cette saga, parce que quand on entend parler, moi, j'en ai pas entendu parler la semaine dernière de ça, mais même quand on entend parler, on a juste la conclusion finale, puis bon, qu'est-ce qu'il y a en dessous, on le sait pas non, trop, exactement. Puis là, tu nous as comme éclairé qu'il y a presque des vraies batailles juridiques. Oui. Des ficelles qui sont tirées de façon un peu étrange, parfois. Ouais. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Merci. Alors, nous, on va faire une pause musicale sur CKRL au 89,1.